Qu'est-ce qu'il va papa ma porte. C'est moi-même Pendou, avec cheveux dorés. Depuis trois jours, la pluie a fait mouiller, le soleil a fait sécher. Ouvrez la porte pour moi. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la croix. La garçon aussi beau, il coule dans ma gagoine. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la croix. La garçon aussi beau, il coule dans ma gagoine. Tu es un plat fumant. Avec du riz, des aquas croustillants et des tasses bien frais. Ma frégale d'amour, je suis où que tu ailles. Ta fesse est un bomba chargé de victuailles. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la croix. La casse aussi beau, il coule dans ma gagoine. Tu es le bœuf salé. Dans mon cœur est la guane, la casse aussi beau, il coule dans ma gagoua. Pas pleurer, il est drôle, pas pleurer, chérie, pas pleurer, il est drôle, pas pleurer, chérie, pas pleurer. Il est minuit sonnant, maman le met-elle dehors. Machine en sous-côté, à petite la soubrasse. Pas pleurer, libéral, pas pleurer, chérie, pas pleurer, libéral, pas pleurer, chérie, pas pleurer. N'a tout dit aux maladies, maman mettait le yo. Machine en sous-côté, à petite la soubrasse. Pas pleurer, miroir, pas pleurer, chérie, pas pleurer, miroir, pas pleurer, chérie, pas pleurer. Thank you. frappe. C'est moi-même fin doux, avec cheveux dorés. Depuis trois jours, la pluie a bégouillé. Soleil a fait sécher. Ouvrez la porte pour moi. Toto, toto, toto. Toto, toto, toto.